بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثالث وستين ومية ميل أو بلوتو 173 لسون في السؤال الخامس وخمسمية بعد ألف 1550 question ما فائدة الهدية quel est l'intérêt justement l'utilité de faire un cadeau comme dans le hadith de Abi Huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحبوا rapporté par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad qui a dit faites-vous des cadeaux vous aimerez ça aide à gagner le cœur des gens les cadeaux amènent à propager l'amour entre ceux qui s'en offrent et même chez les mécréants ça existe quand un mécréant fait un cadeau à quelqu'un d'autre l'autre il est content et ça rajoute de l'amour entre eux ثم قال في سؤال السادس وخمسمية بعد ألف 1506 question اذكر سببين من أسباب التي تجلب المحبة بين المسلمين Il y a des sites de causes qui engendrent l'amour entre les musulmans. Le premier, c'est le fait justement de propager le salam, de se passer le salam entre nous. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tatrouloul al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala shayni zafa'altumuhu tahabbabtum, afshu salam baynakum. Afshu salam baynakum, rawahu muslim. Il a dit, Nabi Salam, que vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas pleinement tant que vous ne nous aimerez pas. Ne vais-je pas vous indiquer une chose que si jamais vous la faites, vous aimerez ? Propagez le salam entre vous. Donc le salam entre nous est une cause d'amour entre les musulmans. Et deuxième cause, ce qu'on citait là actuellement, c'est le fait de faire un cadeau. Le fait de faire un cadeau, c'est une cause qui propage l'amour entre les musulmans. Mais cet amour également doit être pour Allah. Et non pas pour ce cadeau en soi. Car demain, un kafir, tu fais un cadeau, tu ne vas pas l'aimer pour autant. D'accord ? Tant qu'il n'est pas musulman. ثم قال في سؤال السابع وخمسمية وألف 1507e question. إذا أحببت شخصا في الله فلتخبره Si jamais tu aimes une personne en Allah, c'est-à-dire un croyant forcément, dois-tu lui dire ? On dit na'am. En effet, on doit lui dire. Comme dans le hadith de Ma'adi Karb. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. Que si jamais l'homme aime son frère alors qu'il l'informe de cela. Rapporté par Abu Daoud. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم le disait كما قال في معاذ يا معاذ إني أحبك في الله. Il dit oh معاذ je t'aime en Allah. ثم قال في سورة الثامن وخمسمية بعد ألف 1508e question. ما فائدة رفع اليدين في الدعاء. Quel est justement l'utilité de lever les deux mains lorsque l'on fait des invocations. C'est parmi les causes de réponse à l'invocation. Comme dans le hadith de Salman, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun kalimun yastahi min abdi zarafa yadehi ilayhi an yaruddahuma sifra akhrajahu Abu Dawud. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah, que votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, d'accord, et il a de la pudeur, et qu'il est généreux, et qu'il est gêné de son serviteur, lorsque celui-ci lève ses mains vers lui, de renvoyer ses mains vides. Et Hayyul, c'est le fait de dire pudique. D'accord ? Mais la pudeur d'Allah Azzawajal est une pudeur qui lui convient à lui, et dont on ne connaît pas le comment. D'accord ? C'est une pudeur. Et Allah yastahi. D'accord ? Allah yastahi. Al-hayaun min sifatillah Azzawajal. Cette pudeur est parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont confirmés. Non. ثم قال في السؤال التاسع وخمسمية بعد ألف 1509e question. اذكر دعاء من جوامع الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. Maintenant, cite une invocation parmi les invocations qui englobe beaucoup de sens que celle que parmi celles que faisait fréquemment le prophète صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم parmi les invocations qu'il faisait le plus اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه qui disait النبي صلى الله عليه وسلم Oh Allah donne-nous une bonne part en ce bas monde ainsi qu'une bonne part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer et ça justement souvent les personnes quand ils veulent faire des dua ils veulent trop détailler dire Allah donne-moi ceci donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela. D'accord ? Alors que ce do'a-là, en lui-même, il englobe tout cela. Une bonne part en ce dunya, ce qui englobe toutes les choses que tu souhaiterais avoir qui sont bonnes pour toi, et dans l'au-delà. C'est une invocation qui est générale. Elle englobe toutes les demandes à elle-même, à elle toute seule. Et ça, c'était ça le procédé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le dua, c'est qu'il venait avec des termes qui englobent beaucoup de sens avec peu de mots. Thumma qala fi as-su'al 'ashir wa 500 ba'd 1000, 1510e question. Uzkur du'a al-thabat. Cite une invocation pour être raffermi dans la religion, pour être stable en religion et ne pas se faire volte-face et ne pas s'en retourner. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم disait fréquemment: Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et si le prophète صلى الله عليه وسلم demandait cela pour lui, qu'en est-il pour nous? Alors que lui, ses péchés antérieurs et à venir sont déjà pardonnés, et que le paradis l'a déjà pardonné, et qu'il est la meilleure des créatures, et qu'il est infaillible dans ce domaine-là. Donc qu'en est-il de nous par rapport à ce dua? Donc le dire fréquemment ce dua là autant que l'on peut. Car on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut nous arriver. Comme dans le hadith, Inna al-kulub bayna uzwa'i min asabi al-Rahman yukallibuha kayfasha. Que les cœurs sont entre deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux, et qu'il les retourne comme il veut. Que Allah peut retourner ton cœur d'un moment à un autre, d'un jour à un autre. D'accord? Donc ce genre de dua nous préserve justement de l'égarement, de la déviation ou même de l'apostasie. ثم قال في السؤال الحادي عشر وخمسمائة ألف 1511e question. اذكر بعض أدعيات الكرب. Cite certaines invocations que l'on fait lors de l'affliction. Dans le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب, que le prophète صلى الله عليه وسلم disait lors de l'affliction. Il disait « La ilaha illallah l'alim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbul samawat wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim, muttafaqun alayhi. » D'accord, qu'il disait « La ilaha illallah, Allah, l'omniscient et l'indulgent. La ilaha illallah, seigneur du trône immense. La ilaha illallah, seigneur des cieux et de la terre, ou seigneur de la terre et seigneur du trône, du noble trône. » C'est ça le sens. Et « Kazalik » dans un autre hadith de Asma bint Umays, قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولها عند الكرب, que le Nabi sallam lui a enseigné des paroles à dire lors de l'affliction, lors des tourments. Allahu Rabbi la ushrika bihi shay'a. Il a dit Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. Allah est mon Seigneur, je ne souffre rien. Tu dis Rabbi, la ushiriku bihi shay'a. Thumma qala fi as-su'al ath-thani 'ashar wa 500 ba'd 1000, 1512e question. Ma za yaf'alu man kana ismuhu qabihan wa dhkur amthilatan. Que faire donc pour celui qui a un prénom qui est mauvais, qui a mauvais sens? Comment agir? Comme dans le hadith de Ibn Omar, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghayyara ismu 'Asiya wa qala anti jamila. Alors, muslim, que le Nabi sallam, il a changé le nom d'une femme qui s'appelait Asiya, qui veut dire désobéissante, et il a appelé Jamila, qui veut dire belle. Et des gens pourraient dire parfois, pourquoi est-ce que on a parmi les compagnons, par exemple, des gens qui ont des prénoms qui nous paraissent étranges, dans le sens c'était étrange. Parce que les Arabes avaient pour coutume, avant, dans la Jahiliya, de nommer leur enfant par la première chose qu'ils voyaient. Vous voyez, dès qu'il voit une chose, il amène l'enfant par cette chose-là. Donc c'est pour ça que des fois on a des prénoms qui sont étranges en langue arabe. Le sens paraît étrange pour nous. Donc un nom qui a un sens, une connotation qui est mauvaise, on le change par un nom qui est meilleur. Et par exemple, parmi les noms qui sont à changer, les noms qui ont un sens de teskia, qui ont un sens de recommandation de la personne, de vanité, on les change par d'autres prénoms, par meilleur. Ou les gens, les prénoms qui ont un sens innové, on les change par un prénom qui est meilleur. نعم. ثم قال في السؤال الخامس 15 بعد 500 بعد 1000 1515 question. ماذا تقول عند التعجب من الشيء؟ Que dis-tu lorsque une chose te surprend, une situation, un fait? D'accord? Qu'est-ce que tu dis? Comme dans le hadith d'Abu Huraira, أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a rencontré Abu Huraira dans certaines rues d'El Medina. Wawa Junoum, alors qu'il en était d'impureté majeure. Donc je me suis éloigné de lui. Fazaaba Fartasala, et qu'il est rentré chez lui pour se laver, faire son lavage de purification. Thumaja'a. Lorsqu'il est revenu, le professeur Sam lui a dit « Où étais-tu, ô Abu Huraira ?» Puis il cite la raison. Il a dit « J'étais en état d'impureté majeure et j'y me déplaisais de m'asseoir avec toi en étant dans cette situation-là. » Et le professeur Sam lui a dit « Subhanallah, innal muslim lanjus » Il a dit « Gloire à Allah que le muslim n'est pas impur. » Muttafaqun alayhi. Donc le shahid, c'est le fait de dire subhanallah, quelque chose de surprend. On peut dire également Allahu Akbar. D'accord? Tu vois une chose qui te surprend, une situation vraiment étrange, même chose agréable. D'accord? Tu dis subhanallah. Et tu peux dire Allahu Akbar. Et tu peux même dire la ilaha illallah kadhalik. D'accord? Plusieurs formules qui sont prononçables à ce moment-là. Et toutes contiennent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, fasana kafiyat al-qadr al-yom. والحمد لله رب العالمين